Philippe. Si je me trompe pas, il y en a bien un qui joue de la contrebasse là. Philippe, non? C'est toi Philippe? Qui joue de la contrebasse? Ou de la fretless? On m'entend bien? Est-ce que je suis pas trop fort? Est-ce que je regarde mes vues maîtres là? Ninjam. File de zen. Faut rester zen. Ah ouais, fretless. J'ai une fretless, mais elle reste souvent dans ma housse étant donné le niveau. Si jamais on n'en joue plus, on joue très fou après. Et honnêtement, je l'ai laissé dans ma housse. Allez les gars, on s'en fait une petite. Je chante n'importe quoi, mais c'est pas grave. Sauf si vous avez un texte. Thank you. que c'est l'Italie. Oh, sorrido, bienvenue à Venise. Synchronise sur le tempo, je pense. On va y arriver, je crois. C'est un peu compliqué. C'est chiant le métronome. Faut que tu te mettes sur le même tempo et tu pars à la mesure 1. Je sais pas combien il y a de mesures d'ailleurs. Ça vous va comme chant? C'est un peu... Je chante beaucoup quand même, ça fait beaucoup de... Après, je laisse la place aux guitares. On se lâche. Alors j'y retourne un peu. Say it's to one who loves. va essayer de vous chanter une autre chanson. Là, c'est une version maxi 45 secondes. Le guitariste. Chaud là. Evan, il est chaud, Evan. Je vous présente Evan Junior. On the place, Evan Junior. This is Mr. Evan Junior. Are you ready, Evan Junior? Cher public, après avoir accordé nos guitares, nous allons vous proposer un titre inédit en France et dans le monde entier. Vous allez pouvoir enregistrer directement. D'ailleurs, c'est Ninjam qui s'en charge. Vous pouvez récupérer tous les MP3, en faire des remixes si vous voulez. Je crois que c'est libre de droit. D'après ce que j'ai compris. Rock'n'roll ! Un joli son en stéréo dans mon casque. Avec un délai qui va de gauche à droite. C'est très joli. C'est bien réglé ça, monsieur Junior. C'est quoi, c'est un pédalier ou... Ça va être un pédalier, je pense. Hein. I seen one pin killed at the violent say, a new pin standing A. Come on, set to me. I seen one, two, three, four, against the fate of my mind. On aura bien 20h tout à l'heure. to Evan Gino, please. Du rock. mid beat. If you could pump up, c'est ça, pump up the volume. Pump up the volume. Just a little. Because Monsieur Junior est plus fort que toi quand même. Junior, c'est bien, ça sort bien, impeccable. Ça... Tout à l'heure, ça faisait du clipping là. Et... La basse, on entend bien. Les mid-beats, il faudrait qu'il monte un petit peu. Non. Je n'ai pas installé Reaper parce que j'ai pas eu le temps. Mais je l'avais à l'époque. Je ferai. Mais j'espère que je suis pas trop fort, mon micro. Mais apparemment, normalement, Nidbot, il nous dit quand on sature. Hein. Evan Junior, you don't speak French? Where did you come from? Attends, je parle bien anglais, quoi. Please, where did you come from? My name, my tailor is rich. My flowers are beautiful. Les gendarmes à Saint-Tropez. Ah bah merde, il est parti. Il est parti. Il est parti. Yes. My tailor is beautiful. Wow, Brazil. Brazil, tropical, a Brazil, a Brazil. Los mujeres. Non, comment on dit, espagnol, brésilien, non. Ah, peut-être, ouais. Mais non, je l'insulte pas, moi. Je lui ai juste demandé. Il a peut-être pas compris. Je vais monter le volume. C'était ça. The volume. Bah, je vais aller sur le traducteur de Google. Evan Junior, you speak English? Portugais. Oui, portugais. Je suis pas très bon en portugais. Caro violao. Remember a little my language, but just a little. Okay, you prefer to speak English. Thank you. I'm best singer of guitar player or bass player because I am Very bad. Allô Philippe, tu es là? Philippe, tu nous entends? Ça arrive. Van ne cherche pas à comprendre, hein. Ça veut rien dire du tout. What is the same? La fume annonce. And let the man say to you bye. On a retrouvé Evan. Evan Junior is come. Evan, je te présente Sun for A. Je parlais du Philippe guitariste parce que le bassiste